je me lâchais, je te dirais les noms qui tiltent à tes oreilles. Si je me lâchais, je te dirais les mots que disent les rebelles. Si je me lâchais, je te dirais des mots violents et sans appel. Si je me lâchais, je te dirais le cri tout noir des tourterelles. Comment? T'es foutu, bonhomme. T'es foutu, bonhomme. T'es foutu, bonhomme. Si je me lâchais, je te dirais tu me fais trop chier, gros connard. Si je me lâchais, je te dirais va te faire mettre, gros bâtard. Si je me lâchais, je te dirais pourquoi ton âme est-elle noire. Si je me lâchais, je te dirais arrache-toi de là, va te faire voir. T'es foutu, bonhomme. T'es foutu, bonhomme. T'es foutu, bonhomme. T'es foutu, bonhomme. Si je me lâchais, je dirais pour ton gros cul y'a la poubelle. Si je me lâchais, je te dirais souviens-toi comme tu étais belle. Si je me lâchais, je dirais que veux-tu enfin, bordel. Si je me lâchais, je dirais le cri tout noir des tourterelles. T'es foutu, bonhomme. Bonhomme, t'es foutu, bonhomme, t'es foutu, bonhomme. Si je me lâchais, je te dirais, va donc, langue de pute. Si je me lâchais, je te dirais tu parles pas mais tu éructes. Si je me lâchais, je te dirais tu pues la merde, t'es qu'une brute. Si je me lâchais, je te dirais remets ta peau, va dans ta hutte. Comment? T'es foutu, bonhomme. T'es foutu, bonhomme. T'es foutu, bonhomme. T'es foutu, bonhomme. T'es foutu, bonhomme. T'es foutu, bonhomme. T'es foutu. T'es foutu, bonhomme. T'es foutu.